moment-là. Absolument. Puis, tu sais, c'est des insultes. En tout cas, j'arrive mal à comprendre ça parce que quand on y pense au Québec, on n'a plus le débat sur en 95 sur au référendum qui était fondamental, là, tu sais, sur la création d'un pays ou pas et la division d'un autre. Et puis, tu sais, à quelque part, il n'y a rien de plus intense que ça. Et ça s'est dit de manière très civile et civilisée. Puis, en tout cas, c'est une autre question, mais sur la journée, la soirée de ce soir, vous savez, dans la grande région de Québec, vous avez la clé à réponse aux deux grandes questions ce soir. Il y en a une, bon, évidemment, qui va former le gouvernement, mais la deuxième, minoritaire, majoritaire. Et puis, moi, je revise mes calculs sans arrêt, puis je suis pas capable du tout cette fois-là. Mais ça rend ça excitant, là, tu sais, ça oui. garde intact, comme je dis souvent, notre capacité d'émerveillement. Mais je vous le dis, là, vous autres, dans le coin de Québec, et là, je parle du Grand Québec, là. Ouais. Et là, j'élargis, puis moi, je m'en vais jusqu'en Beauce, Portneuf, Bellechasse, tout ça, là. Il y a une partie de l'inconnu qui réside dans la réponse et à l'endroit où les gens à l'écoute de votre émission vont faire leur X aujourd'hui. Pourquoi c'est comme ça à Québec, Paul? On a vu le taux de vote par anticipation, 30% dans certains comtés à Québec. Ah, ouais, c'est fort. Pourquoi à Québec, on s'intéresse plus, on dirait qu'on s'intéresse plus à ça? Pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est grâce à vous autres, les gars, à la radio, là. Je pense qu'il y a l'intensité du débat d'affaires publiques qui moi, je retrouve pas à Montréal parce que les radios parlées, il n'y en a une à Montréal. Ouais. Le reste, tu sais, à part Radio-Canada, je m'excuse, mais ça étant dit, la raison pour laquelle vous avez la réponse, c'est que, mettons dans l'hypothèse où, les sondages viseraient et les libéraux sont en avance. Parce que là, je vais rester prudent aujourd'hui, la parole appartient aux électeurs. Mais, pour atteindre la majorité, les libéraux, là, dans ce scénario-là, doivent faire des gains. C'est clair, là, par rapport à une solution de la Chambre. Donc, les